هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. On continue بحول الله عز وجل avec les cours concernant la science du tajwid et on est arrivé au cours numéro 3. Donc on a parlé lors du dernier cours de makharij al-huruf, donc le point de sortie des lettres. Et bi'idhnillah azza wa jalla, comme je vous ai dit, on va revenir inshallah ta'ala sur ces points de sortie au fur et à mesure qu'on va traiter plusieurs règles au fur et à mesure de cette série. Donc entre guillemets, faut pas trop paniquer. Al-akh jazahullahu khairan, il a fait la vidéo numéro 2 et donc il a fait un montage complet avec des photos au fur et à mesure. Donc quasiment ou la quasi totalité de la vidéo numéro 2, du cours numéro 2 en vidéo. Donc il y a dans la quasi totalité du cours des photos, d'accord, des images qui vont vous permettre de comprendre facilement bi'idhnillah azza wa jalla tout ce qu'on a expliqué lors du dernier cours concernant makharij al-huruf, la sortie ici des lettres, les points de sortie des lettres inshallah ta'ala. واضح. Donc on avait vu certains points concernant la gorge et certains points concernant al-lisan, la langue. On avait vu ici ce qu'on appelle aqsa al-halq, on avait vu wasat al-halq et on avait vu adna al-halq. Donc on avait vu ici aqsa al-halq, c'est-à-dire c'était le fond de la gorge, le milieu de la gorge et l'entrée de la gorge. On a vu qu'il y avait des lettres qui sortaient ici de ces endroits-là. Quelles sont ces lettres qui sortent du fond de la gorge? Il y a le ha, ahsant, et le al-hamza, le a, al-hamza a. D'accord? Wasatul lisan, au milieu de la gorge, afwan, wasatul halq, au milieu de la gorge, il y a ayn, ayn et ha. Aïn et ha. واضح. Et ici, ce qu'on appelle l'entrée de la gorge, il y a al-ghayn et al-kha. واضح. Ensuite, on va voir ici sifat al-huruf. Vous allez bien comprendre quelle est la différence, inshallah ta'ala. On avait vu ici, concernant al-lisan, qu'il y avait aqsa al-lisan, wasat al-lisan, tarf al-lisan et ra's al-lisan. Donc aqsa al-lisan aussi c'est pareil, c'est la même chose. Donc on parle du fond de la langue. Et là de cet endroit-là sortait, il y avait le qaf et le kaf. Naam, ahsan, juste en dessous, le kaf. Ensuite il y avait wasat al-lisan, il y avait jim, shin et ya. Et tarf al-lisan et ra's al-lisan, on avait vu plusieurs lettres qui étaient... Là, vous sentez avec la langue, ici, le devant de la langue, il y a le ta, il y a le da, le del, il y a le non, il y a le ra, il y a le quoi? Lam, il y a le zay, le sad, etc. et la akhiri. C'est clair? On avait vu avec, ici, ce qu'on appelle les lèvres, ici, qui avaient des lettres. D'accord? Leur point de sortie, c'était les lettres, c'était le ba, le waw, le mim, d'accord, le fa, et on avait vu aussi, est-ce qu'on avait parlé de l'runna ou pas? On a parlé de l'runna, qui était la nasalisation. Et son point de sortie de l'runna, c'est où? C'est le nez. Le point de sortie de l'runna, c'est le nez. Khalas, ça c'est ce qu'on appelle les points, d'accord, de sortie des lettres. Ça c'est la première des choses concernant al-huruf, les points de sortie. Ensuite, on va parler d'autres choses, d'accord, qui se rejoint et qui est indispensable pour pouvoir bien sortir la lettre. C'est ce qu'on appelle sifatul huruf, d'accord, les caractéristiques des lettres. Ça, on va le voir bi'idhnillah azza wa jal, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et avant d'aller ici directement parler des caractéristiques des lettres, inshallah ta'ala, on va citer les cas isolés Ici, quelques cas isolés que vous avez cités à la fin du dernier cours. Vous avez dit qu'il y avait quelques cas isolés dans le Coran al-Karim, d'accord, qui se produisaient. Et on va les citer rapidement, incha'Allah ta'ala. Il y avait ce qu'on appelle al-alif al-mumal. Alif al-mumal, ici, quand il se passe, ici, il se produit cette chose-là, ce qu'on va expliquer, bi'idnillah azza wa jalla, vous allez voir dans certains Corans, dans certains mushaf, il y a un petit losange. D'accord? Vous trouverez un petit losange. Je vous renvoie à, ici je parle de ceux qui prennent la lecture de Hafs. Yamin, ou Yassar, Yamin, Al-Yamin. Khalas. Ici, je vous parle de Hafs, hein. Surat Hud. Dans Surat Hud, vous regardez le verset 41. Vous regarderez après par la suite, Inch'Allah ta'ala, ou ceux qui ont le Coran devant eux. Surat Hud, verset 41, vous allez voir un petit losange. D'accord? Là, on est dans le Alif Al-Mumal. Et ici, cette chose-là qu'on va expliquer, incha'Allah ta'ala, elle se produit une seule fois dans le Coran al-Karim. Dans tout le Coran, ça je parle de l'arrestation de Hafs, fi surat Hud. Et qu'est-ce que c'est que ça exactement? On va l'expliquer, incha'Allah ta'ala. C'est ici, un alif qui va se prononcer, ici d'une manière qu'on ne retrouve pas dans un autre endroit dans le Coran al-Karim. Ni on va dire « i », ni on va dire « a ». Mais on va rester entre les deux. On va sortir un son qui va donner « e ». Clair ? Donc on va sortir un son qui va donner « e ». Ni « i », ni « a », mais « e ». D'accord ? Je vous lis le verset coranique. « Wa qala rakabu fiha bismillahi » Donc là on a Maj, donc on a al-qalqala dans le jim, et on ne prononce pas, quand on récite avec les règles de tajwid, jim, mais jim, d'accord? Avec une phonétique D-J-I-M, si on veut. Avec une délaissance à la phonétique. Jim. Wadih? Et ici, on a maj, d'accord? Le mim, le ja, le jim, le ra. Et ensuite, on a ça, ce qu'on appelle al-alif al-mumal. Et ensuite, on a ha, d'accord? Le ha, avec la prolongation, le med. Donc ici, comment on va le prononcer? Ni majariha et ni majaraha. Walakin, entre les deux, d'accord? C'est ce qu'on appelle al-alif al-mumal. Majariha. Clair? Ça va tendre vers le e. D'accord? C'est ni i, ni a, mais e. Et ça se passe une fois, ça se produit une fois dans la récitation de Hafs. Donc ça, on ne doit pas le répéter dans d'autres endroits dans le Coran al-Karim. Il faut être clair quand on prononce les lettres. Ça veut dire que quand c'est A, on dit A, quand c'est I, on dit I, quand c'est O, on dit O, et on ne dit pas entre les deux. Ça se produit une fois, oui, tu le dis entre les deux. Par exemple, il y a des gens qui vont commencer en disant, مثلاً, dans un verset coranique, au lieu de dire إِهْدِينَ إِهْدِينَ, ils vont dire إِهْدِينَ إِهْدِينَ. D'accord? Et ça, c'est une erreur. Et Dina, où ils vont partir parce qu'ils veulent embellir leur voix trop, ou alors ils sont partis dans une, dans leur récitation, et ils partent. Et Dina, Sira, et ça, c'est une erreur. Et Dina, quand c'est une kasra, ça doit être prononcé franchement et clairement, la kasra. Quand c'est une fatha, ça doit être prononcé franchement et clairement. C'est-à-dire la fatha A. Et quand c'est la dhamma, ou, wadih. Mais amma là, alif al-mumal, on dit, ni majeri, ni majara, walakin majaraha, d'accord, wa mursaha. Et ça, ici, on verra les autres règles par la suite, incha'Allah ta'ala. Ça, c'est ce qu'on appelle al-alif al-mumal. Wadih? On a al-hamzatu al-musahala. Ça, c'est ici une hamza qui se situe bayna al-hamza wal-alif. Clair? Je vais vous expliquer bi'idnillah azza wa jalla. Cette hamza-là, al-musahala, elle se produit une seule fois dans le Coran al-Karim aussi. D'accord? Dans votre récitation, si vous lisez avec Hafs, vous allez la trouver une seule fois. Ici, c'est dans surat Fussilat, dans le verset 44. Allah Jalla wa Ala, il dit ici, donc, on a la hamza et on a un alif tout de suite après. Il est représenté par un au-dessus du alif, vous allez voir un point noir. D'accord? Quand vous allez regarder ça dans le Coran al-Karim, d'accord, dans le verset 44, sur le alif, vous allez voir un point noir. D'accord? en gras. Et là, soit s'il y aurait eu la deux hamza claires, on aurait dit a'ajamiyun wa arabi. A'a, la hamza. Ensuite, on aurait dit a'a. Wadih? A'ajamiyun. D'accord, parce qu'ensuite il y a là al-idram. Ala kulli hal, a'ajamiyun wa arabi. D'accord, wa arabi. A'ajamiyun wa arabi. Ça, on va le voir par la suite dans les règles, mais ce qui nous importe, c'est ça. A'ajami. Ça, on le dit pas comme ça. Et on dit pas aussi a'ajami. D'accord, a'ajami. Parce que là, on a carrément enlevé le alif. Donc là, comment on doit réagir? On est entre les deux. C'est ce qu'on appelle al-hamzatul musahala. Ça veut dire qu'on ne prononce pas franchement, mais on ne l'abandonne pas franchement. Ça veut dire qu'on va la dire de cette manière. Au lieu de dire a'un, et au lieu de l'abandonner carrément et de dire a'ja, on va faire entre les deux. Ça va donner a'a, a'a. Vous voyez? A'a. Mais je vais pas dire a'a. Je vais pas le prononcer clairement a, la hamza. Mais je vais pas l'annuler, mais je vais être entre les deux. A'ajamiyun wa arabi. Wadih? A'aj. D'accord? On monte, mais sans faire la hamza. C'est-à-dire, sans bloquer. Comme on le fait avec la hamza. A'a, non. A'ajamiyun wa arabi. Wadih? C'est clair? A'ajami. A'a. D'accord? On le fait de cette manière. Ça se produit une seule fois dans Al-Qur'an Al-Karim, d'accord, dans la version 2 de Hafs. Et ici, dans certains Corans, il y a un point noir en gras, d'accord, un point noir en gras. De toute façon, il se produit une seule fois. Donc, ceux qui vont demander, qu'est-ce que ça veut dire le losange, vous avez la réponse. Claire? On a dit Alif Al-Mumal. Et quand on a Al-Hamzatu Al-Musahala, ici, vous allez voir représenter cette hamza-là par, ici, un point noir en gras. Wadih? On continue. Parmi les cas, d'accord, qui sont rares, ici dans le Coran al-Karim, et qui se produisent, il y a ce qu'on appelle al-ishmam. Al-ishmam. Techniquement, al-ishmam, c'est un dhamm al-shafatayn, d'accord, c'est-à-dire on fait comme pour prononcer le son ou, d'accord, ou, waouh, ou la dhamma, ou, d'accord, le ou de la dhamma, mais sans que aucun son ne sorte. Et qui peut le voir? Seulement la personne qui va te regarder, comme vous allez me regarder maintenant. Mais l'entendre, on peut pas l'entendre. L'entendre, on peut pas l'entendre. Si ce n'est peut-être quelques récitateurs, vous allez entendre, parce que vous savez maintenant qu'il y a cette règle-là, si vous écoutez, si vous prêtez vraiment l'oreille, si vous mettez le son fort, si le son est vraiment nickel, et si, peut-être vous allez apercevoir quelque chose de très, très, très, très, très léger. Mais à la base, c'est ça la règle. Il se dit, mais on ne l'entend pas. Donc là, je vous dis pour savoir simplement, hein. Il faut pas se dire oui, il y a trop de règles, ça commence à s'accumuler. يعني على كل حال باذن الله جل وعلا, si quelqu'un suit du premier cours au dernier cours, باذن الله, avec du travail personnel, وبالله التوفيق, et auprès d'Allah عز وجل, certes la réussite, et si il arrivera à lire correctement insha Allah ta'ala. Lakin, il faut être patient, aller étape par étape, et ça c'est bien de le savoir. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-ishmam. Et ça, il se produit dans, d'accord, selon Hafs, dans le verset coranique de Sourate Yusuf, verset 11. Sourate Yusuf, verset 11. Et là, pareil de même, ils vont mettre dans certains Corans un indice et qui est un losange aussi. D'accord? Ils vont mettre un losange. Donc dans certains Corans, vous allez voir le losange. Donc là, on a la parole d'Allah Jalla wa'ala quand il dit قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا. Donc là, ça va être ici. لا تأمننا. D'accord? Donc si vous l'avez devant les yeux, vous verrez plus clairement. Sinon, vous verrez après. Donc on a قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. لا تأمننا. Donc on a ici لا ت Donc la hamza, la ta, ma, là c'est là, ce qui nous importe ici, c'est ça. Manna, manna. À la base, normalement, ça, c'est la ta manuna. Parce que c'est eux. D'accord? La ta manuna. Mais c'est faqil, comme ils disent les savants de la récitation. Ici, c'est lourd à l'oreille. D'accord? Et ici, les Arabes l'ont prononcé de cette manière. La ta manna. Wadih? Mais c'est comme si il y avait une dhamma, il y a une dhamma qui est sous-entendue, qui est cachée. D'accord? Elle est cachée. Donc, on doit la mentionner sans sortir de son, lakin en faisant la forme avec la bouche. Et ensuite, on repart. Donc, on a une shadda ici, sur le noun. Ensuite, après la shadda, on doit faire ici la dhamma avec la bouche sans sortir de son. Ensuite, la troisième étape, on part sur la fatha en continuant. D'accord? Donc ça va donner quoi? Donc là, quand je lis comme ça, si je connais pas la règle, je vais dire la ta'manna, tout simplement. Mais ici, parce que même si je vais en écouter un récitateur, je vais entendre ça, la ta'manna. Mais qu'est-ce que fait le récitateur? Il fait ça. La ta'manna. D'accord? La ta'manna. Donc ici, si on disait nous, on aurait fait comme ça avec la bouche. Ou. C'est comme s'il faisait ou, il le fait. Ou, mais il sort pas le son, c'est tout. Donc vous faites comme si vous prononciez une dhamma, mais sans sortir le son. Après être appuyé sur la, après avoir mentionné la shadda. D'accord? La ta'manna. La ta'manna. D'accord? C'est pour ça que je dis quelquefois, moi je l'ai déjà entendu, hein, mais très très léger, s'il y a une bonne qualité de son, etc. Vous allez peut-être apercevoir un tout petit très très très léger son de dhamma. Mais ça c'est quelquefois certains récitateurs, si t'écoutes bien, etc. Mais à la base c'est ça la règle. On ne doit pas entendre de dhamma. C'est simplement la bouche. La ta'manna. La ta'manna. Wadih? C'est clair? C'est clair pour tout le monde ou pas? Clair? La ta'manna. Donc ici t'as la shadda. Et ici on regardera les temps après par la suite de la shadda, combien de temps de rester dessus ici. Mais la règle de base c'est ici harakatan. C'est deux temps. D'accord? Donc ici tu dis la ta'manna. Pendant que tu es sur la shadda, là tu profites pour partir sur la dhamma. La ta'manna. Clair? Ça c'est une fois dans le Coran al-Karim. Et c'est ce qu'on appelle al-ishmam. Al-ishmam. Wadih? Et là on rentre dans ce qu'on appelle ici. Là, avant de rentrer dans sifat, as-sifat, ici, le dernier point ici, sur cette porte-là, incha'Allah ta'ala, c'est al-lam, ici, mufakhama. Donc ça, je pense qu'il est connu par tous et toutes, hein, ou la majeure partie d'entre vous. C'est le lam, mufakhama, quand on parle de at-tafrim, c'est emphasé. D'accord? On remplit la bouche. Donc, al-lam, mufakhama, c'est quand, ici, ce lam-là, il va être emphasé à chaque fois ici qu'on va prononcer le nom d'Allah Jalla wa Ala, c'est-à-dire le nom qui est Allah, qui est le nom d'Allah. Quand on va dire Allah et qu'avant le nom d'Allah Azza wa Jal, il y aura une fatha ou une dhamma, donc ici, ce lam-là, il va s'appeler lam mufakhama. Emphaser, on va emphaser ce lam-là. Wadih? Quand avant Allah, le nom Allah, ici, la lettre qui va venir avant dans le mot, porte une dhamma ou bien une fatha a, eh ben, Allah, le lam, il s'appelle lam mufakhama, on va l'emphaser. C'est pour ça qu'on va dire, قُلْ هُوَ اللَّهُ. C'est ça, emphasé. On remplit la bouche. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ. D'accord? On va pas dire قُلْ هُوَ اللَّهُ. lahu, non? Mais ici, par contre, quand il y a une kasra, avant, d'accord, le nom Allah, donc là, on va le prononcer de façon aiguë. On va dire la, et on va pas dire Allah. Et c'est pour ça on dit, مثلاً, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِلَّهِ. On va pas dire لِلَّهِ, parce qu'il y a le kasra, لِلَّهِ. أما quand il y a une fatha ou une dhamma avant, on dit toujours Allah. Donc on emphase le lam. Allah. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. D'accord. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ. D'accord. وَمَا اللَّهُ. Donc ici on a le A. وَمَا. قُلْ هُوَ A. اللَّهُ. واضح. C'est lam مُفَخَّمَة. Sinon quand c'est une kasra avant, donc on va dire la, lillahi, d'accord. Donc ici maintenant on va parler bi'idnillah de sifatul huruf. C'est quoi sifatul huruf? On a parlé des points de sortie des lettres, ça y est, là on les a, sur le qaf, sur le kaf, sur le shin, sur le sin, sur le dad, sur le toutes ces le dad, le ta, le toutes ces lettres-là, ça met, on a compris, on sait d'où ils sortent. Mais ça ne suffit pas pour les prononcer bien, correctement. Il faut connaître maintenant, d'accord, ce qui est lié à ces lettres-là, qui est sifatul huruf, les caractéristiques des lettres. Ces lettres-là, ils ont des points de sortie, mais ils ont des caractéristiques aussi. Et quand tu connais le point de sortie de la lettre, et tu connais la caractéristique, et on va expliquer c'est quoi la caractéristique de la lettre, à ce moment-là, bi-idnillahi azza wa jal, tu pourras, insha'Allah ta'ala, après du travail et des efforts, sortir la lettre comme il se doit. Mais avant cela, il faut que tu connaisses les points de sortie et les caractéristiques des lettres. Clair? Les points de sortie, on les a vus, c'est clair. Maintenant, les caractéristiques. Sifatul huruf. C'est l'état de cette lettre quand on la prononce. C'est l'état de la lettre quand on la prononce. C'est-à-dire, certaines lettres, quand on les prononce, parce que là, on a dit, voilà, d'où elle part. Mais maintenant, comment? Comment elle doit être, cette lettre-là? C'est quoi son état? Est-ce qu'elle doit être aiguë? Est-ce qu'elle doit être emphasée? Est-ce qu'elle doit être dure? Est-ce qu'elle doit être douce? Est-ce qu'elle doit être accompagnée d'un souffle? Ou est-ce qu'elle doit s'arrêter sans être accompagnée d'un souffle? C'est l'état de la lettre. C'est ce qui nous manque pour pouvoir vraiment avoir tout pour sortir la lettre comme il se doit. On a le point de départ et on sait comment on doit sortir la lettre. Avec un souffle ou sans souffle. Emphasée ou pas emphasée. Et douce ou alors elle fait partie des lettres dures. Il a akhiri. Wadih, c'est clair? Donc ces caractéristiques-là, ici, ils nous permettent de savoir, différencier, ils nous permettent de différencier entre les lettres ici, et surtout entre les lettres qui ont le même point de sortie. D'accord? Parce qu'il y a des lettres qui ont le même point de sortie. Par exemple, le ha et le a. Ils ont le même point de sortie. Est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques? Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. On voit ha, a. Voilà, c'est ça qui va nous... Mais maintenant, comment on sait... Ah, c'est quoi ces caractéristiques? Ah, c'est quoi ces caractéristiques? C'est ce qu'on va voir. Clair? Comme ça, on a le point de sortie, mais pour les différencier les deux maintenant. Ça y est, on a le même point de sortie. Mais pourquoi ces deux sons différents qui sortent? Pourquoi ils n'ont pas les mêmes... On n'entend pas la même chose au niveau du son? Parce que chacune a des caractéristiques différentes. Ce qu'on appelle sifatul huruf. Wadih? Donc, on va parler de certaines sifats, de certaines caractéristiques, je ne vais pas tous les citer maintenant. Ensuite, bi'idnillah azza wa jal, on reviendra sur ceux ou celles que j'ai citées au fur et à mesure de cette série-là. Et d'autres, je les citerai par la suite, incha'Allah ta'ala. On a d'abord ce qu'on appelle al-hamsu wal-jahr. Ici, al-hamsu wal-jahru, on va en parler. On commence par ce qu'on appelle al-hamsu. Al-hamsu, dans la langue arabe, ça signifie le murmure. Le fait de chuchoter. D'accord? Le fait de parler à voix basse, doucement. C'est ce qu'on appelle al-hams. Wadih? Et c'est quoi al-hams? C'est un écoulement de l'air accompagnant les 10 lettres suivantes. C'est un écoulement de l'air accompagnant les 10 lettres suivantes. Donc ici, c'est un accompagnement de l'air, un écoulement de l'air. Cette traduction que j'ai trouvée, moi, la plus adéquate, Wallahu a'lam. Ici, c'est que quand tu vas citer ces 10 lettres-là, une de ces 10 lettres-là, quand tu vas la citer, tu vas la prononcer, il y aura de l'air qui va sortir avec. Un petit souffle qui va sortir avec. Contrairement à d'autres lettres. Où il n'y a pas de souffle qui sort avec. Clair? Et il y en a combien des lettres? 10. On va donner des exemples, Inch'Allah. Ces 10 lettres-là sont le Ta, le Kaf, le Sin, le Sad, le Kha, le Shin, le Ha, le Tha, le Ha et le Fa. Ça, c'est les 10 lettres qui, quand on les prononce, il doit avoir un petit souffle de l'air qui sort avec. D'accord? Et ici, certains donc savants, hein, dans certains vers, ils ont cité certaines phrases comme « Hathahu sharsun fasakat ». D'accord? « Hathahu sharsun fasakat ». Dans cette phrase-là, vous retrouvez ici toutes ces lettres-là. « Hathahu sharsun fasakat » ou bien « Fahathahu sharsun sakat ». D'accord? Donc ici, c'est une personne qui l'a insisté, qui a appuyé, qui l'a pressé à, donc qui l'a poussé jusqu'à ce qu'il s'y tue. D'accord? Hathahu sharsun fasakat. Donc ici, ces lettres-là, ces 10 lettres-là, quand on les prononce, il faut qu'il y ait un peu d'air qui sort avec. Wadih? Je vous donne un exemple. Le qaf. D'accord? Le qaf. Et le fa. Et le fa. On va prendre deux lettres. Donc là, dans les 10 lettres, on a cité le fa, mais on n'a pas cité le qaf. Donc là, il y a une règle qui est connue, hein, qui est quand tu veux vraiment distinguer entre deux choses, le mieux c'est de quoi? C'est de les confronter les deux. Comme ça, ça permet plus facilement de distinguer. Donc là, on va confronter les deux opposés, pour que vous voyez bien clairement. Là, on a le qaf, qui ne fait pas partie des 10 lettres, et on a par contre le fa, qui fait partie des 10 lettres. Donc le fa fait partie des 10 lettres, donc ce qu'on a compris, c'est que quand on va le prononcer, il y a de l'air qui va sortir avec. Regardez. Donc, on prend un exemple comme les gens de science le font, quand ils expliquent cette règle-là. Vous prenez juste votre main, et vous la mettez, ici, à même al-fam, devant la bouche. Et si on prend le fa, et on veut s'arrêter sur le f, donc là, à ce moment-là, on va sentir de l'air qui sort. Par exemple, si vous mettez votre main devant la bouche et vous faites F, F, F, F. C'est clair? Vous sentez clairement ici F, l'air qui sort. C'est clair, F. Même si tu t'arrêtes, t'essaies de t'arrêter dessus rapidement. F. Vous sentez clairement ici l'air. Contrairement à si on prend Qaf et on veut s'arrêter sur le Qaf et on dit Aq. Vas-y, mettez votre main. Allez-y, maintenant, vous faites aq, aq, aq. Même si tu t'arrêtes brusquement, est-ce qu'il y a de l'air qui va sortir? Il n'y a pas. Aq, aq. Ça fait partie de quoi? De sifatul huruf. Des caractéristiques des lettres. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-hams. Wadih? Et ça, c'est les 10 lettres qui, quand on les cite, il faut qu'il y ait de l'air qui sort. D'accord? Et pour réunir, ici ces lettres-là, vous pouvez retenir ça. Hathahu sharsun fasakat. Il y a les 10 lettres dans cette phrase-là. Le ta, le kaf, le sin, le sad, le kha, le shin, le ha, le tha, le ha et le fa. Wadih? Techniquement, l'air continue à sortir après que la lettre soit prononcée. L'écoulement de l'air est plus évident lorsque la lettre est sakina. Parce que quand elle est mutaharrika, c'est-à-dire qu'il y a une voyelle dessus, ça ne va pas être aussi clair que quand elle est sakina. D'accord? Et ici, on va donner des exemples. Donc, ici, et ça c'est en général, même quand on va voir al-runna, quand une lettre est sakina, c'est-à-dire est sukun, elle n'est pas vocalisée, il n'y a pas de dhamma, de fatha, de kasra, ici, la runna, elle va être plus claire. Comme là, ici, al-hams, le son, d'accord, l'air qui va sortir, il va être plus clair que quand elle est vocalisée. Parce que quand elle est vocalisée, t'as le son A qui cache, d'accord, al-hams, donc, ou alors le I, ou alors le O, parce que tu passes brièvement dessus, donc ici tu l'entends moins bien. Clair? Donc ici, il y a plusieurs exemples. On a par exemple, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Donc là, le Ha. D'accord? Donc est-ce que le Ha, il fait partie de ces lettres-là? Naam. Donc ici, le Ha, on a dit quand il se prononce, il faut qu'il y ait un. Donc je mets ma main, Est-ce qu'il y a un souffle qui sort? Oui, obligatoirement. Il y a quelque chose, tu sens même à l'oreille, et quand tu mets ta main, tu vas le sentir même sur ta peau. L'air qui sort. Clair? Donc là, on a le ha. Et ici, on voit qu'il est, ici, avec une soukoun. Donc ici, on va dire comment? Ar-rah. C'est pour ça qu'on entend le Ar-Rahman, d'accord? Ar-Rahman, d'accord? Quand tu dis Bismillahirrah, tu sens le H. C'est pas une lettre qui est sec. Bismillahirrahmanirrahim, d'accord? On a Bismillah, d'accord? Le sin, est-ce que ça fait partie des lettres ou pas? Ça fait partie, et ici on voit. As. Tu vas sentir l'air et tu sens qu'il part. Il s'arrête pas de façon sec. D'accord? Comme par exemple, on a vu avec le qaf. Aq. Rien, il n'y a rien qui sort après. Aq. Il n'y a rien, il n'y a pas d'air. Tandis que celle-là, as. Tu es obligé que ça continue automatiquement. As. D'accord? Af. Ça continue. Ah. Ça continue. Ça s'arrête pas franchement clairement. واضح. Donc ça c'est ce qu'on appelle al-hams. Et ici on a une remarque. C'est concernant les lettres kaf et les lettres ta. D'accord? Le ta et le kaf. Concernant les lettres kaf et ta, l'écoulement de l'air se fait nettement si la lettre est sakina. Ça c'est la règle pour tous. Clairement? On arrête sur le ta ou bien sur le kef, donc elle est sakina, elle a un sukun, ou en fin de aya, comme on va le voir, inshallah. Et ici, ça veut dire que la règle pour tous ces 10 lettres, c'est qu'on le prononce clairement. Et ici, l'air ne s'écoule, d'accord, le ta et le kef, et l'air ne s'écoule pratiquement pas quand elles sont mutaharrika. Ce sont les deux exceptions à la sifat al-hams, d'accord. Quand elles sont mutaharrika, on entend, il n'y a quasiment pas d'air qui sort. Quand elles sont mutaharrika, c'est-à-dire qu'elles sont vocalisées. Le ta et le kaf. Après, à force, vous allez voir, ça va être mécanique, bi-idnillah azza wa jal, au fur et à mesure d'entendre, de lire, de réécouter, etc., de corriger, ça va venir bi-idnillah. Mais là, c'est des notes maintenant, et c'est technique, mais c'est indispensable à savoir. Claire? Donc, ici, ça, quand on a le ta et le kef qui sont vocalisés, on entend, il y a presque pas d'air qui sort. Mais il y en a quand même. Dans tous les cas, il y en a quand même. Mais c'est presque, comment on dit ça? Imperceptible. C'est ça, non? Imperceptible. D'accord? Presque imperceptible. Mais il y en a encore. Mais ça, quand ils sont mutaharrika. Mais attention! Dans toute chose, même quand on applique ici les règles de tajwid, faut pas exagérer. Surtout dans certains cas. Dans d'autres cas, tu peux exagérer sans exagérer. Si vous m'avez compris. C'est-à-dire, il faut prononcer clairement. Il faut le dire clairement. Voilà qu'il ne faut pas arriver à un stade où, voilà, ça modifie carrément ce qui était visé à la base dans les règles de tajwid. Il faut pas exagérer, d'accord, de sorte que ça sorte de ce qui est demandé dans les règles de tajwid. Par exemple, dans le ta et dans le kef. On va prendre le ta surtout. Le ta surtout. Par exemple, ici, quand on termine avec le ta et qu'il a une soukoun, d'accord, elle est sakina. Donc ici, on doit sortir de l'air ou pas? On doit sortir de l'air. Mais pourquoi je dis on doit le sortir clairement, exagérer sans exagérer? Oh non, c'est pas une bonne parole. On revient sur ça. Parce qu'exagérer, ça reste... Il faut le dire clairement, mais sans exagérer. Dire clairement parce que c'est demandé de sortir de l'air. Mais si tu exagères, d'accord, tu dépasses les limites, donc à ce moment-là, tu vas faire ressembler le ta avec le quoi? Avec le sin, ou avec le tha, ou avec... Ça dépend des gens. Donc faut pas faire ta, ta. D'accord? Par exemple, là, ta. Parce que tu dis, je vais appuyer, je vais faire sortir le ta. Et ça s'approche du... Ici, là, c'est quand je fais ta, ça s'approche du sin. D'accord? Donc il faut sortir... de l'air. Et c'est pour ça que vous allez voir dans des différents récitateurs, et en général, les récitateurs que vous allez entendre, vous allez même quasiment rien entendre. Mais il y a quelque chose. Et après, attention. Ça, c'est pas de la science, le fait d'écouter que avec l'oreille et de répéter que après. Ça, c'est quand, voilà, tu veux, t'as le niveau, d'accord, et tu connais les règles et tu veux le faire, ou alors tu veux dépanner. Mais ici, apprendre comme ça qu'à l'oreille, tu peux pas, parce que vous savez très bien qu'un audio, un enregistrement, tu vas même peut-être remettre la faute sur le récitateur. Même quelquefois, tu vas peut-être entendre des imams. Tu vas dire, mais il a pas fait, c'était ambigu. Mais c'est avec les baffes, avec les échos, avec le micro. Faut pas se fier à ça. Clair? C'est pour ça qu'il n'y a pas mieux d'avoir quelqu'un en face de toi et que ça soit clair. Lakin, ici, vous allez voir que dans certains récitateurs, vous allez essayer d'écouter. Certains, vous allez entendre. Certains, et pourtant, c'est pas n'importe quel récitateur. Bon, en tout cas, de toute façon, un récitateur connu, ça reste des gens haut niveau. Mais c'est des gens très très connus dans la récitation, vous allez rien entendre. Ça veut pas dire qu'ils prononcent pas. Ils le prononcent. Ça, il faut se dire dans la tête, ils le prononcent. C'est que, voilà, l'enregistrement ou ceci ou cela fait que tu l'entends pas clairement. Mais lui, il l'a dit. Même si c'est sensible, il l'a dit. Par exemple, quand on prend dans Surat al-Takwir, d'accord, vous savez très bien qu'à chaque fois, on voit au début, d'accord, dans les premiers versets, les premières ayats, on a toujours cette lettre qui est le ta. Clair? Idha shamsu kuwirat. D'accord? Idha shamsu kuwirat, ça finit. Idha shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat wa idha al-jibalu suyirat wa idha. Donc vous allez voir plusieurs fois. Donc là, comment on doit réagir? Si on a bien compris, on dit on doit sortir de l'air sur le ta, mais sans exagérer pour pas que on aille à l'encontre de ce qui est visé dans la règle de Tajwid et on déforme la lettre et on tombe dans ce qu'on appelle al-lahnu al-jali. D'accord? Al-lahnu al-jali, c'est quoi? C'est l'erreur grammaticale évidente qui fait que tu as fait une faute grave, tu es pécheur. Tu es pécheur. Quelqu'un qui dit fi sudurin nas. Ça, c'est une erreur qui fait partie de al-lahn al-jali. Évidente. C'est une erreur, tu as changé une lettre. Ici, la règle de base, c'est que c'est un péché, c'est haram. C'est haram de le faire. Donc si tu fais une chose haram, automatiquement tu mérites d'avoir un péché. Wadih? Donc on dit idha shamsu kuwirat. D'accord? Kuwirat. C'est-à-dire que tu vas pas dire idha shamsu kuwirat. Tu peux, regarde, même là, on va croire que tu n'as même pas cité de lettre. Mais quand tu vas dire idha shamsu kuwirat, là t'as exagéré, on entend un peu le signe. Mais quand tu vas sortir juste l'air pour que le but, c'est quoi? C'est que la lettre, elle soit comprise clairement, tu lui as donné son dû pleinement, elle soit prononcée et clarifiée comme il se doit. Et pour cela, tu es obligé de sortir l'air un peu. Donc un peu d'air pour que tu l'entendes bien le ta. Sinon tu peux comprendre comme cela, ou tu peux être amené à dire comme cela idha shamsu kuwirat. Tu vois, presque on sait même pas idha shamsu kuwirat, parce que si je m'arrête sec, c'est comme ça, mais je suis obligé de laisser quelque chose sortir. Idha shamsu kuwirat, idha shamsu kuwirat. D'accord? Donc vous avez compris, il y a quelque chose qui sort, mais de léger. D'accord ? Et clair aussi. Mais pourquoi je dis de léger ? De sorte que on l'ait sorti, mais qu'on ne déforme pas ou qu'on ne change pas la lettre. Tout simplement. Faut pas exagérer, mais faut le dire clairement, sinon tu vas même pas comprendre que c'est un ta. D'accord ? Idha shamsu kuwirat. D'accord ? Fahimtum ? Suyirat. Pareil, suyirat. Suyirat. D'accord ? Moi, je l'ai sorti le son. Khlas. Et le fait que j'ai sorti le son, ça va permettre aux gens qui, même s'ils n'ont pas entendu l'air sortir, d'avoir compris clairement que c'est la lettre ta. Amma, si je ne sortais pas le son, les gens n'auraient pas compris clairement que c'était la lettre ta. Donc c'est pour ça que je vous dis, même si vous entendez pas clairement, sachez qu'ils l'ont sorti. Les récitateurs connus, je vous dis bien, hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas le sortir, mais les récitateurs connus, ils l'ont sorti. Parce que vous avez compris clairement le ta. Idha shamsu kuwirat wa idha nujumu kadarat. D'accord ? Simplement, il faut sortir sans exagérer. Wadih ? Et ça, il faut faire avec ce qu'on appelle al-hams. On fait ça avec al-hams. Ça, c'est ce qui concerne al-hams. D'accord ? Donc, en arabe, l'ouratan, ça signifie le chuchotement, le murmure. Et l'opposé, c'est ce qu'on appelle al-hajru. Wal-hajr, huwa al-i'lan. Wal-hajru, wa qala al-ulama, wal-hajr, huwa al-i'lan. C'est le fait, ici, de prononcer plus clairement, ouvertement, à voix haute. Contrairement à al-hams. D'accord ? Là, c'est quelque chose qui est, ici, l'oratana, à haute voix, plus clairement, d'accord ? Plus, il est prononcé plus clairement et à haute voix. C'est un arrêt de l'écoulement de l'air lors de la prononciation des lettres restantes. C'est un arrêt par contre là. Là on n'est pas dans l'air qui continue à sortir. Là c'est un arrêt de l'écoulement de l'air lors de la prononciation des lettres restantes. À part ces lettres-là qui sont contenues dans ici al-jumla, hathahu shakhsun fasakat, toutes les autres lettres, il y en a 19. Donc à ce moment-là, ils sont concernés par ce qu'on appelle al-hajru. D'accord ? Al-afwan, al-jahru, afwan, ma'adhiratan. Al-jahru, d'accord ? Al-jahru. Al-jahru, c'est wal-i'lan. Donc al-jahr, c'est le fait de prononcer à voix haute ou à haute voix, donc l'oratan. Et techniquement, comme on a dit, c'est un arrêt de l'écoulement de l'air lors de la prononciation des lettres restantes qui sont au nombre de 19. Clair ? Donc on a al-jahr, qui est l'opposé ici, si on veut, de al-hams. Donc le souffle s'arrête de sortir après que la lettre soit prononcée. Directement quand la lettre est prononcée, le souffle doit s'arrêter. Contrairement à al-hams, on a prononcé la lettre, mais le souffle y reste. D'accord ? Suyirat. D'accord, le ta il est prononcé mais on continue. Là non, khlas, la lettre est prononcée, le souffle doit s'arrêter. Ça c'est ce qu'on appelle al-jahr. D'accord ? الآن من يصحح؟ أنا سأقرأ بإذن الله عز وجل سأقرأ عليكم يعني آية. Écoutez bien. خلاص نخون انه وابخون سورة الإخلاص avec le qaf. قل هو الله أحد. Je répète. قل هو الله أحد. Allô l'erreur. Il y a une erreur ou pas? قل هو الله أحد. Il y a une erreur ou pas? قل هو الله أحد. Il y a ou pas d'erreur? Qui voit une erreur ici? Attends, j'ai fait une erreur claire. قل هو الله أحد. L'erreur, elle est claire. Personne ne voit l'erreur. قل هو الله. Allah Allah. Ça veut dire que ici j'ai dit quoi? Il y a des lettres qui doivent être accompagnées d'un souffle. Et il y a des lettres qui ne doivent pas être accompagnés de souffle, c'est-à-dire quand on a prononcé la lettre, le souffle doit s'arrêter. Et on avait dit que les lettres qui sont accompagnées d'un souffle, ils sont deux nombres, un nombre de 10. Est-ce que le qaf, il en fait partie? Non, il n'en fait pas partie. Ça veut dire que quand on prononce le qaf, est-ce que quand on a prononcé le qaf, ça doit être accompagné d'un souffle? Non. Donc celui qui va prononcer comme ça, qui va lire comme ça, surat al-ikhlas. Et combien, et combien, et combien, et combien, juste surat al-ikhlas. La première lettre de surat al-ikhlas, ils ne savent pas lire. Et ensuite, hadith wa la haraj. Jamais dans les cours. C'est quoi, comment on doit prononcer? Qul huwa, ou bien qul huwa. Il y a une différence entre qul, qul, donc j'ai prononcé le qaf, qul, qul, et qul, qul. Qul, si je mets ma main, qul, je pars avec un son, qu, qu. Là, c'est interdit, là, je peux pas le faire. C'est interdit dans la règle de tajwid, là, on rentre dans quoi? On rentre dans quoi, là? C'est, là, je suis dans les règles. Donc, on parle dans quoi, dans? Ilm al-tajwid, ici, quoi? Là. Na'am, ahsan, al-lahn, al-khafi. Et ça, c'est quoi, al-ilm? Ici, al-amali, ou bien al-nazari? H, al-nazari, c'est-à-dire que ça, celui qui va délaisser cela, est-ce que ici, on va dire le sens est changé ou alors il est rentré dans al-lahn al-jali? Là, d'accord. Mais ici, c'est une erreur dans le tajwid, d'accord. Et on avait dit عند الجمهور les règles de tajwid, ça qu'on a expliqué hein, déjà dans les détails. Ici, ça c'est عند الجمهور, c'est ce n'est pas obligatoire. Et certains savants, ils ont dit, même ça, c'est obligatoire. Ça veut dire que pour certains savants, même si tu le fais ça, tu dis, qul. Comme j'ai dit, qul. Ici, t'as athim. T'as un péché. D'accord? Et le fait, ici, de vouloir se précipiter, d'accord? Ou alors, je vous donne un peu un exemple ici, retenez-le. On va pas avoir le temps de continuer de toute façon. Ici, celui qui veut se précipiter dans la récitation du Coran, et qui veut brûler les étapes, par exemple, il va prendre le mushaf, il va prendre le Coran, et il va écouter de temps en temps un muqri qui est très connu, Cheikh al-Husari par exemple, ou bien Cheikh al-Hudhayfi, hafidhahullah ta'ala, ou d'autres, et il va écouter, il va essayer de s'autocorriger comme ça, mais il n'a pas appris depuis les débuts, il n'a pas appris les fondements, les bases, qui va lui permettre de comprendre makharij al-huruf, sifat al-huruf, ila akhiri. Ça, c'est comme une personne dans l'ilm en général, en dehors de ilm ou de tajwid, qui va aimer lire les fatawas. Pourquoi? Il veut tout de suite le résultat. Il y a beaucoup de gens, ils aiment bien. Même vous allez voir les libraires, vous dites, c'est quoi les livres qui marchent le mieux? C'est les livres de quoi? Fatawa. Vous mettez le titre fatawa de Cheikh Al-Albani, khalas, ça part comme des petits pains. C'est vrai? Ah, libraire. Ça part comme des petits pains. Ça, tout le monde le dira, tous les libraires. Mais quand, par exemple, vous allez mettre Al-Mughni d'Ibn Qudama, qui est là, inshallah, décoration. Ici, d'Ibn Qudama, il y a des dizaines de tomes. Ah, là, khlas. Mais vous croyez quoi? Parce que t'as lu 4 lits d'une fatwa, c'est khlas, t'as du ilm dans ce sujet-là. Alors que là, les savants, al-ulama, al-qudam, al-mu'asirin, ils ont écrit des pages et des tomes. Et c'est pas comme ça. Et ça, même, d'accord, tu vas lire ça, mais même dans ce sujet-là, tu vas être bloqué. Ça veut dire, dès que tu vas sortir un peu de ce qui est décrit là, tu vas être perdu. Parce que t'as pas les fondements. Et je donne l'exemple de cela, j'ai déjà donné l'exemple de cela à un frère, une métaphore, c'est comme quelqu'un qui a soif. C'est comme quelqu'un qui a soif. Et au lieu d'aller boire quelque chose qui va étancher sa soif, c'est-à-dire de l'eau, il va aller boire du coca. Ou alors des boissons gazeuses, de la limonade. Clair ? Vous avez compris la suite ou pas? Quand tu as soif et tu bois du coca ou tu bois de la boisson sucrée, est-ce que ça étanche ta soif comme si tu avais bu de l'eau? Hein? C'est pas pareil. Même il y a des boissons qui te donnent encore plus soif. C'est vrai ou pas? Il y a des boissons, tu bois, oh là, ça me donne encore plus soif. Oh, ça veut pas étancher. Il n'y a pas mieux que de l'eau. Clair? Bien que tu auras toujours soif, un jour ou un autre, tu auras encore soif. Mais au moins cette période-là, cette soif qui t'a touché, tu vas l'étancher avec de l'eau. Parce que t'as été directement vers ce qui va étancher ta soif. Comme l'ilm, même si tu tapes dans les fondements, dans les bases, à la base du sujet, Tu auras toujours besoin de l'ilm parce que la science est tellement vaste. Mais en tout cas, dans le sujet que tu recherchais, si tu as tapé depuis, ou tu as recherché depuis les fondements, les bases, et tu as connu les règles, etc., au moins tu vas être apaisé, tu vas bien comprendre et saisir ce sujet-là. Wadih ? C'est pour ça, au lieu d'aller prendre des boissons qui vont te donner encore plus soif, va boire de l'eau. Pareil, au lieu d'aller lire des fatawas de jour comme de nuit, eh ben va lire les explications et les cours des gens de science sur ces sujets-là. Les hadiths qu'ils ont cités, et les versets coraniques, et les qawaïd, et etc. Là, à ce moment-là, tu vas être plus apaisé, et ça va t'ouvrir plus de portes et te faciliter plus. Pareil, au lieu d'aller écouter tout de suite un mukhri qui est connu, etc., va apprendre les règles de tajwid depuis le début, et tu as ce bagage, et après tu verras que même si après tu passes à cette étape-là, d'écouter un mukhri ou d'écouter quelqu'un, ça va être plus facile pour toi. Ça va être plus facile pour toi, parce que tu vas te retrouver plus facilement. Tu vas comprendre, tu vas vivre avec les règles, tu vas savoir où tu en es, tu vas savoir pourquoi il a réagi comme ça à ce moment-là, etc. Et sans oublier que le prophète alayhi salam a dit kullu bani adam khata. D'accord, tout enfant d'Adam fait des erreurs, fait des péchés. Ça ne veut pas dire que par exemple tu vas entendre ou moi qui est en train de faire un cours qui suis petit qui fait voilà, je transmets le peu de science que j'ai ici, mon niveau est faible ici, que je fais pas d'erreurs, même dans ta jouée je vais faire des erreurs, et même dans la récitation, et même tu vas être amené à oublier, même par exemple en lisant le Coran al-Karim, des versets coraniques, et tu vas même dans le fiqh, même dans l'aqida, on fait des... Mais il y a une différence entre eux. Faire une erreur, d'accord, parce que tu as eu un oubli, ou tu as eu ici un manquement, ou tu as eu une... Mais tu connais la règle, alors que tu... La personne qui multiplie les erreurs parce qu'il connaît pas la règle. Ça, il y a une différence entre le premier cas et le deuxième cas. À la kulli hal, ici, il y a le deuxième cas qui est al-jahl. D'accord? Le fait de, ou al-i'lan, de le dire clairement. Et quand on a prononcé al-harf, la lettre, après avoir prononcé al-harf, l'air, le son, le souffle, il s'arrête de sortir avec. Clair? Et ça, c'est toutes les autres lettres. Ça, c'est toutes les autres lettres. Par exemple, on a, parmi ces lettres-là, le dal, le dhal, le ra, le zay, le da, le ta, le ba, alif, va, ayn, ghayn, qaf, lam, mim, noun, waw, hamza, ya. Donc on a ces lettres-là. Et à ce moment-là, quand on les prononce, ici, il faut ne pas continuer comme si on faisait avec, ou on aurait fait dans la règle qui concerne al-hams. Donc on dit pas qul, qul, on parle, mais on dit qul. قل. Donc ça doit s'arrêter. قل. Il y a une différence entre eux. قل هو, قل هو, قل هو et قل هو. Vous sentez ou pas? C'est subtil, mais on le sent. Regardez le premier cas. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. Et le deuxième cas. قل هو الله أحد. قل. Vous voyez? Vous sentez ou pas? قل et قل. قل, قل. قل, قل. Je prononce le qaf, mais je m'arrête dessus. Qul, qul, qul. Au lieu de qul, je pars avec al-hams. Ceci est ici interdit dans les règles de tajwid. Ala kulli hal bi idnillah azza wa jal. On continuera le prochain cours ici qui sera bi idnillah mercredi entre al-maghrib et l'isha avec le quatrième cours de al-tajwid. Et on parlera de Al-Runna concernant le Nun et le Mim. Comment on doit mettre en application Al-Runna, la nasalité. Et ensuite, au fur et à mesure, comme je vous ai dit là, on commence à rentrer dans les détails, dans les règles. Et on va revenir sur tout ce que j'ai dit au fur et à mesure jusqu'à ce que ça soit accessible et assez facile pour tous et toutes. Wa billahi tawfiq, wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى